Chapitre 2e, Catherine Dolgorouki. La destinée de la seconde fiancée de l'empereur Pierre II a une étrange analogie avec celle de la première. Tout d'abord, on croirait relire la même histoire, dont les noms seuls auraient été changés. Comme Marie Menchikov, Catherine Dolgorouki avait espéré unir son existence à celui qu'elle aimait, et ses rêves de bonheur s'étaient évanouis devant l'impitoyable réalité. Comme Marie encore, Catherine avait obéi aux volontés de sa famille et sacrifié ses propres désirs aux ambitieuses visées des autres. Elle aussi avait regardé sans en être éblouie cette couronne, fatal objet de tant de convoitises, et mis froidement sa main dans la main de celui qu'on lui ordonnait d'accepter pour époux. Et Pierre Alexeïevitch, de même qu'il s'était laissé fiancer contre son gré à la fille de Menchikov, élevait Catherine jusqu'à lui, sans éprouver pour elle ni admiration ni amour. Continuel jouet des intrigues de sa cour, ce pauvre souverain suivait les conseils de ceux qui étaient les véritables maîtres de la Russie. S'étant attaché au frère, et le voulant pour compagnon de tous ses instants, il se laissa facilement persuader qu'il était convenable d'épouser la sœur, et que cette union était le meilleur moyen de rapprocher de sa personne ce prince Ivan dont il ne savait plus se passer. Pas plus que les premières, ces secondes noces ne devaient s'accomplir. On serait tenté de croire à quelque secrète malédiction attachée à l'anneau royal, dont le présent devint si funeste à celles qui le reçurent. C'est le prince Ivan Dolgorouki qui avait conçu la pensée d'asseoir sa sœur sur le trône de Russie. Il fut soutenu dans ses projets par une nombreuse famille, si fière de sa descendance directe de Rurik, qu'elle se considérait à peine comme honorée par une alliance avec une dynastie aussi récente que celle des Romanov. La pourpre ne pouvait rien ajouter à une noblesse qui se rattachait au Varek semi-légendaire, fondateur de la monarchie russe. Mais la pourpre donnait le pouvoir, et c'était ce que convoitaient les Dolgorouki. Si habituée que fut la société russe d'alors aux changements les plus brusques et aux nouvelles les plus inattendues, ce ne fut pas sans un profond étonnement que l'on entendit nommer celle que le tsar choisissait pour épouse. Car personne n'ignorait l'attachement de la belle Catherine Dolgorouki pour le comte Millissimo, beau-frère de l'ambassadeur d'Autriche auprès de la cour de Russie. La jeune princesse ne jugeait pas nécessaire de cacher ses sentiments et se plaisait à témoigner une bienveillance particulière aux étrangers qui se trouvaient à Moscou, redevenue sous Pierre II la résidence de la cour. Elle distinguait surtout ceux qui étaient de Vienne et les questionnait avec intérêt sur les usages et les mœurs d'une ville où elle se croyait destinée à vivre. Parents, amis, patrie, habitudes d'enfance, elle s'apprêtait à tout quitter pour suivre dans un pays entièrement nouveau pour elle, celui dont l'amour, elle tenait à le proclamer, suffisait au bonheur de sa vie. Le comte Millissimo, jeune, aimable et très épris de Catherine, se figurait déjà le plaisir avec lequel il présenterait à ses compatriotes cette charmante russe, pleine de grâce et d'esprit. Il était certain de l'avoir brillée au premier rang dans le cercle choisi que le vieil empereur s'était plu à former autour de sa bien-aimée fille, l'archiduchesse Marie-Thérèse. On n'attendait plus que quelques formalités indispensables pour procéder au mariage. Et soudain, l'heureux viennois se voit enlever celle dont la foi lui était promise. Catherine quitte la maison de son père pour habiter un palais où on l'entoure de respect et d'hommages dignes du rang où elle va monter et, comme nous l'avons vu pour Marie, elle aussi, elle dissimule une affreuse douleur sous les dehors d'une froide impassibilité. Une fois pourtant cette impassibilité de commande lui fit défaut et un mouvement irréfléchi échappa à la pauvre enfant. C'était au baisement qui suivit la cérémonie des fiançailles. Assise à côté du tsar, sous un dais de pourpre et d'or, Catherine recevait les félicitations de la cour et du corps diplomatique. Elle était vêtue d'une robe en étoffe d'argent qui dessinait à ravir sa taille souple et élancée. Dans ses cheveux, partagés en quatre nattes et tombant sur ses épaules, scintillait une multitude de diamants, et les broderies qui couvraient le devant de sa jupe étaient d'une finesse et d'un prix incomparables. C'était beau et royal, sans doute, mais l'air rêveur et la pâleur de la princesse contrastaient avec ses splendeurs, et surtout avec la 18e année qui commençait à peine pour elle. L'empereur en avait maintenant 15. Bien fait de sa personne, il avait la taille haute et les traits réguliers. La chasse, qu'il aimait avec passion, avait remplacé la blancheur naturelle de son visage par un hâle qui lui donnait une apparence de virilité au-dessus de son âge. Ses manières manquaient néanmoins de charme. Il y avait quelque chose de brusque, presque de saccadé dans ses mouvements, et Catherine, comparant mentalement cet adolescent imberbe à son beau comte viennois, ne trouvait sans doute pas que l'avantage fût du côté de sa majesté. Pierre tenait dans la sienne la main de la princesse et la donnait à baiser aux seigneurs et aux dames de la cour qui approchaient en faisant la révérence à la française. Le comte Millissimo eut l'imprudence de se présenter à son tour. Sitôt qu'elle l'aperçut, la princesse rougit, une expression ineffable se peignit sur ses traits, et se levant toute droite, elle arracha sa main de celle du tsar et l'attendit elle-même au comte qui s'inclina profondément et la porta, non sans trembler un peu, à ses lèvres ardentes. À ce geste, au regard qui l'accompagnait et qui en disait long, Pierre Alexeïevitch sentit lui aussi une vive rougeur lui monter au front. Il se tut pourtant. La foule des courtisans continua à entourer le couple impérial, et les amis de Millissimo entraînèrent l'infortuné jeune homme hors du palais. Le lendemain, l'ambassadeur d'Autriche s'empressait de charger son beau-frère d'une mission pour Vienne, et l'amant désappointé quittait la Russie pour n'y plus rentrer. Hélas, il ignorait le sort réservé à celle qu'on avait arrachée à sa tendresse pour la pousser dans les bras d'un époux sans désir et sans flamme. Il l'ignorait, car s'il avait pu déchiffrer l'avenir, peut-être n'aurait-il pas consenti à partir seul, et décidant Catherine à fuir avec lui, l'aurait-il si bien caché dans quelque vieux bourg sur les bords du bleu Danube que les sbires du gouvernement ne seraient jamais parvenus à découvrir cette verdoyante retraite, abri de leurs amours. Plût au ciel qu'il l'eût fait, que la fuite eût été possible et que Catherine eût gagné cette terre d'Autriche qu'elle aimait sans la connaître. Mais le plan était irréalisable, le palais de l'impérial fiancé trop bien gardé, et le petit incident arrivé au Besmin n'interrompit même pas la brillante succession des fêtes et des bals. Catherine reçut probablement une remontrance sévère de ses parents, car on la vit dans la suite se conduire avec un tact parfait. Elle parut résignée et se retrancha dans un silence froid et hautain. Son caractère sembla s'être altéré par le sacrifice qu'on avait exigé d'elle. Les lettres de Lady Rondeau, femme de l'ambassadeur d'Angleterre, dépeignent Catherine Dolgorouki comme affable, douce et gaie. Ceci au temps où elle espérait devenir comtesse Millissimo. Plus tard, nous voyons disparaître la charmante insouciance, l'affabilité simple et naturelle. Le cœur de la jeune femme se raidit contre la destinée. Elle ne courba pas la tête pour pleurer et supplier comme l'avait fait Marie Menchikov. La résignation n'était pas dans sa nature. Elle appartenait à une race où l'orgueil était infini, et ne pouvant ployer, elle trouva un refuge contre toute faiblesse dans la fierté et l'imposant silence dont elle s'enveloppa. Les peines que lui réservait le ciel étaient néanmoins bien différentes des épreuves contre lesquelles elle s'armait. Le 6 janvier de l'année 1730, elle se vit, pour la dernière fois, entourée du pompeux appareil de sa royauté future. Les Russes ont coutume de fêter le baptême de Jésus-Christ en bénissant l'eau des rivières. Cette cérémonie se fait encore de nos jours avec beaucoup de solennité. On construit tout exprès une chapelle sur la glace. On y transporte les plus riches images et les plus beaux ornements. Les troupes sont sous les armes et l'empereur assiste toujours en personne aux prières faites par le métropolitain de la capitale, assisté de tout son clergé. À la fête de 1730, le froid était intense, ce qui n'empêcha pas la foule du peuple d'affluer sur le rivage de la Moskva. La princesse Dolgorouki arriva sur la glace enveloppée de fourrure, une brillante escorte entourait son traîneau, et l'empereur se tenait lui-même derrière elle, debout sur le marchepied. Sa Majesté parut souffrir de la température rigoureuse à laquelle elle se trouvait exposée. Revenue au palais du Kremlin, elle se plaignit d'un mal de tête, et comme elle en était fort incommodée, on envoya chercher les médecins qui recommandèrent au tsar de se mettre au lit. Le dîner et la réception qui suivaient durent nécessairement être interrompus, et la princesse Dolgorouki congédia tout le monde avec une amabilité sérieuse, pour ainsi dire, qui fut fort approuvée. Pierre II ne devait plus se relever. La petite vérole se déclara les jours suivants, et le 19 janvier, date marquée pour son mariage, le jeune monarque expirait sans qu'aucun soin ou aucun effort pût rien pour le sauver. Il avait régné 3 ans à peine, et avec lui s'éteignait la lignée mâle des Romanov. La duchesse de Courlande, tante du défunt et fille du tsar Ivan, ce frère aîné et presque imbécile de Pierre le Grand, fut proclamée impératrice de Russie. Le choix était étrange, la branche ivanienne étant bien connue pour son incapacité et Élisabeth, propre fille de Pierre Ier, devant naturellement paraître plus rapprochée d'un trône que son père avait illustré. Mais ces considérations sont étrangères à notre sujet. Il nous suffit de dire que l'élection d'Anna Ivanovna pesa cruellement sur la destinée de Catherine Dolgorouki. La jeune princesse était libre maintenant, c'est-à-dire que la chaîne odieuse qui se forgeait pour elle était soudainement brisée. Mais Catherine connaissait trop les mœurs de son pays pour se faire illusion sur le traitement qui l'attendait. Veuve avant d'avoir été épouse, elle vit sa nombre suite se disperser et le vide se faire autour d'elle. Plus d'empressement, plus de louangeuses paroles ou de flatteries à droite. Les courtisans s'étaient hâtés de disparaître, et un morne silence, précurseur d'une disgrâce certaine, régnait seul dans cette demeure, où peu de jours auparavant, la foule s'étouffait dans son impatience de voir et de saluer sa future souveraine. Catherine resta fidèle à elle-même, froidement dédaigneuse et avec plus de fierté encore dans le maintien qu'aux heures de son éphémère grandeur. Elle n'eut pas une parole de reproche pour ce père dont l'ordre impérieux lui avait tant coûté à obéir, pas une raillerie amère pour cet Ivan, le plus coupable de ses frères, celui qui avait insisté sur la rupture du mariage projeté avec le gentilhomme autrichien et immolé ainsi sa sœur à d'égoïstes calculs. Digne et calme, elle se prépara à partager la ruine qui allait atteindre sa famille. Le coup ne se fit pas attendre. Les Dolgorouki, accusés de n'avoir pas suffisamment veillé aux soins de la personne du feu tsar, furent exilés dans leur propriété d'abord, puis dans cette même ville de Berezov que nous connaissons déjà. On raconte que cette longue route qui mène des rives du Volga à celle de l'Irtych, les nouveaux disgraciés rencontrèrent 2 enfants, seuls survivants d'une famille de 5 personnes. La princesse Daria, on l'a vu, avait succombé la première et était morte avant de toucher seulement le sol de la Sibérie. Une misérable croix en bois, grossièrement taillée, était tout ce qui indiquait aux contemporains le lieu où reposait le redouté et magnifique Menchikov, et la jeune et charmante Marie dormait avec ses 2 pauvres petits anges dans les bras, sous sa blanche enveloppe de neige. Si elle eût vécu davantage, elle aurait vu celle qu'on lui avait donnée pour rivale ou pour remplaçante la rejoindre au milieu de ses cabanes enfumées, et c'eût été certainement une chose curieuse que cette rencontre des 2 fiancées impériales, ayant lieu dans des conditions aussi identiquement pareilles qu'étaient les leurs. Ces têtes de 18 ans, mûries par le malheur, auraient pu méditer ensemble sur l'instabilité des choses humaines, avec une gravité égale à celle des sages de l'Antiquité. Mais tout ce que Catherine trouva à Berezov de Marie fut une chape de prêtre, dont une épaule seulement avait été brodée. Reprenant le fil interrompu, Catherine continua l'ouvrage et acheva la 2e épaule. Cette chape se trouve dans la sacristie de l'église de Berezov, où elle est conservée comme une relique. Les voyageurs à qui on la montre sont rares, et comme on le devine aisément, ce n'est pas une curiosité de touristes qui les amène dans cette lointaine bourgade. Pour la plupart, le pèlerinage a été involontaire, et si, baisant pieusement la trace des blanches mains des 2 princesses infortunées, ils sentent leurs yeux se mouiller de larmes, c'est qu'eux aussi traînent la pesante chaîne et sont voués à ce pain de l'exil que Dante trouvait si amer. La persécution contre les Dolgorouki devait dépasser en violence et en cruauté celle qui avait chassé les Menchikov au-delà de l'Oural. Ivan et sa famille avaient pour ennemi un homme dont le nom est devenu le synonyme de la férocité. C'était Biron, l'amant et le maître de la faible Anna Ivanovna, Biron, l'Allemand sans foi ni loi, venu à la suite de ces Courlandais qui s'abattirent sur la Russie comme une nuée d'oiseaux de proie, et dressèrent dans tout l'Empire des potences et des échafauds. On prétend qu'un officier de la garnison de Berezov osa déclarer son amour à la princesse Catherine et fut repoussé avec mépris par la jeune fille, indignée de cet oubli d'un respect qu'elle se croyait toujours dû. Cet homme, jurant de tirer vengeance de ce qu'il appelait un affront, desservit les exilés à Saint-Pétersbourg, les accusant de s'être exprimé devant lui en termes offensants pour sa gracieuse majesté l'impératrice Anna Ivanovna, ainsi que pour son dévoué serviteur, le très illustre duc de Courland. Il est plus vraisemblable que Biron, cherchant une occasion de frapper ses victimes, avait provoqué lui-même, ou du moins encouragé, les calomnies. Les princes Dolgorouki, père et fils, furent amenés à Novgorod où ils subirent un jugement dérisoire qui les condamna au supplice de la roue. Cette horrible exécution eut lieu en 1739. La princesse Catherine fut séparée de sa belle-sœur, la douce et angélique Nathalie, et internée seule dans un couvent situé sur les bords du lac Biello. La solitude où s'élevait cette austère demeure était à peine moins sauvage et moins glacée que la plaine de Berezov. Bien souvent déjà, les épaisses murailles de ce monastère avaient renfermé des recluses de haute naissance, envoyées là pour accomplir une pénitence imposée par la rude discipline de l'Église ou simplement sacrifiée par un caprice du tsar. Plus d'une jeune existence était venue échouer tristement derrière les grilles de cet asile, lieu de supplice bien plutôt que de prière et de recueillement volontaire, et maintenant un nom de plus venait d'être ajouté au long martyrologe de l'abbaye. La cellule qu'on donna à Catherine Dolgorouki était étroite et nue, et l'épaisseur des barreaux diminuait encore la clarté du jour, si vacillante et rare dans ces climats. Mais l'horreur de l'isolement fut impuissante à faire fléchir la nature hautaine de la femme qu'on avait amenée en cet endroit. Elle ne chercha pas à attendrir l'abbesse joaillière par la vue de ses sanglots ou le récit de son innocence, ni par un étalage de douleur qui aurait pu rendre sa captivité plus douce et faire augmenter la quantité d'air et de soleil qu'on lui mesurait si durement. Non. Froide et muette, elle s'aliéna les religieuses par cet extérieur impassible qui décourageait toute tentative de familiarité et repoussait les marques d'une sympathie qu'elle aurait peut-être éveillée. Pauvre enfant, elle était de celles que la pitié offense au lieu de consoler, qui ne savent pas parler de leur peine, ni trouver du soulagement dans des pleurs. Le malheur n'avait réussi qu'à fermer son cœur et à resserrer des lèvres opiniâtrement closes, afin de ne pas laisser échapper un cri de colère ou d'impatience dont elle aurait rougi comme d'une faiblesse. Qui pourrait mesurer ce que souffrent dans leur fier silence ces natures dures comme le diamant, mais souvent aussi non moins précieuses, dans ces âmes fortement trempées, pour qui ployer est impossible, et qui auraient honte de se baisser pour recueillir une parole charitable, jetée comme une aumône. Tous les sentiments sont extrêmes. Infinie est en elle la puissance d'endurer, infinie aussi la puissance d'aimer, et ce que le vulgaire prend pour de l'insensibilité n'est que le tact exquis d'une pudeur si farouche qu'elle craindrait de profaner son secret en le divulguant. Ah, mille fois plus heureuse sans doute, celle qui, comme Marie Menchikoff, possède le don des larmes, cette ressource préférée des femmes, cette grande force de leur faiblesse. Mille fois plus heureuse, celle que l'orage trouve frêle et tremblante, qui ne peuvent pas plus vivre sans tendresse et sans joie que la fleur sans rayon, et qui, le jour où la vie s'attriste autour d'elle, penche le front et meurt. Le ciel est là pour les recevoir au milieu de ses étoiles d'or, de son vaste azur et de ses séraphins aux ailes irisées. Mais le calvaire est long pour celles qui se raidissent contre la tempête, qui marche toujours, en dépit des ronces et des cailloux du chemin, et qui, si elles s'arrêtent un moment pour reposer leurs pauvres pieds poudreux et déchirés, se hâtent de cacher ses blessures à l'indifférence des passants et reprenant leur fardeau, le portent vaillamment jusqu'au bout. Ainsi faisait Catherine Dolgorouki. Trois hivers, à peine interrompus par un rapide été, un été sans brise fraîche et embaumée, mais avec l'haleine brûlante de vent qui dessèche la couronne des bois avant que l'automne commence à les feuiller, se succédèrent pour elle sur les bords de ce lac Biello, aux eaux presque toujours immobiles. Une fois, un haut fonctionnaire envoyé de Saint-Pétersbourg visita la princesse dans sa cellule. Toujours fidèle au souvenir de ce qu'elle avait été, Catherine ne crut pas nécessaire de se lever pour saluer cet homme, venu peut-être pour satisfaire une curiosité peu délicate, ou pour faire son rapport à la souveraine et raconter aux gens de cour comme quoi il avait vu une Dolgorouki humiliée et brisée par l'ennui d'une longue captivité. Elle garda devant lui son attitude tranquille et hautaine et daigna à peine répondre aux questions qu'il lui posa. Outré de voir tant de fierté dans une prisonnière, le fonctionnaire ordonna de resserrer la surveillance autour d'elle et après son départ, on mura la fenêtre de la cellule, qui ne reçut plus de lumière que par un corridor intérieur. Défense fut faite à tout le monde d'approcher, et deux petites filles, ayant désobéi à cette sévère prescription, furent fustigées par ordre de l'abbesse. Celle-ci, voulant probablement enseigner à la captive l'humilité et la contrition chrétienne, plaça auprès de Catherine une vieille religieuse chargée de lui faire de pieuses lectures. Cette tentative d'amener à la religion un cœur en apparence si obstiné, réussit-elle? Nous l'ignorons. La justice et la bonté de Dieu devaient paraître des choses bien difficiles à comprendre à une enfant dont la vie avait été pure et qui n'en avait pas moins été traitée avec une rigueur sans pareille. Peut-être préférait-elle accuser de ses épreuves, non pas une sage providence, mais un aveugle hasard, et ne comprit-elle que peu de choses à l'enseignement de la croix, au pied de laquelle on voulait la faire agenouiller, non pas seulement douce et résignée, mais presque joyeuse, dans la complète acceptation de la volonté divine. Quoi qu'il en puisse être, la religieuse semble ne pas avoir eu une tâche aisée, car, perdant un jour patience, elle menaça la prisonnière de son chapelet à gros grains de bois, instrument de pénitence bien plus qu'objet de piété. Respectez la lumière jusque dans les ténèbres du cachot, lui dit Catherine. En osant lever la main sur moi, vous oubliez qui je suis. Je vous rappelle la distance qui nous sépare. Ces paroles furent accompagnées d'un geste d'une majesté telle que la religieuse, croyant voir devant elle une reine offensée, s'enfuit, oubliant dans sa précipitation de fermer après elle la porte de la cellule. Ah, sa faute à l'infortunée, c'était l'orgueil. L'orgueil qui, sans doute, a perdu les anges déchus, mais qui est le péché des intelligences d'élite et des grandes âmes. Les esprits médiocres, incapables de se hausser jusqu'à lui, se contentent de demeurer dans la suffisance et la vanité. Cependant, l'heure de la délivrance vint sonner pour la recluse du lac Biello. Élisabeth, fille de Pierre le Grand, monta sur le trône et s'empressa d'ouvrir la prison où languissait l'innocente victime de tant de haine et d'envie. Les messagers de la nouvelle impératrice se présentent devant la princesse, l'entourent d'égards et de respect, lui apprennent qu'elle est nommée demoiselle d'honneur de sa majesté et que la cour attend son retour avec impatience. Catherine fait affectueusement ses adieux à ses ci-devant joaillières et promet sa protection au monastère qui a été pour elle un tombeau de tristesse et d'ennui. Quelque temps après, elle envoya à l'abbesse une riche édition de la vie des saints. Sur la première page du volume, elle avait inscrit elle-même les mots suivants « Souvenir bienveillant de mon séjour au milieu de vous ». Son cœur, que les religieuses avaient cru si peu accessible à des sentiments de douceur, ne connaissait pas la rancune et pardonnait généreusement des traitements dont la sévérité n'avait peut-être été inspirée que par la crainte de déplaire en haut lieu. L'impératrice Élisabeth, profondément intéressée à cette existence si éprouvée, résolut d'assurer l'avenir de l'ex-fiancé de son neveu et s'occupa de lui trouver un mari. Son choix tomba sur le comte Bruce, général considéré et dont la position était en tout point digne de la fière Catherine. Avant de consentir à la célébration de son mariage, la princesse voulut aller à Novgorod, prier sur la tombe de son père et de ses frères, exécutés dans cette ville par ordre de Biron. Ce pieux pèlerinage accompli est la première pierre d'une église qu'elle désirait élever à la mémoire de ses parents posée en sa présence. Elle revint à Saint-Pétersbourg. Ses noces furent célébrées dans la chapelle du palais d'été, sous les auspices toutes particulières de l'impératrice, qui tenait à remplacer auprès de l'orpheline la nombreuse famille qu'elle avait perdue d'une manière si cruelle. Catherine avait alors 30 ans. Elle en avait passé 9 en Sibérie, et 3 dans le couvent de Biello. Rendue à la fortune et aux honneurs, elle n'était pas destinée à en jouir longtemps. Si soigneusement cachées que soient les traces de la souffrance, l'effet en est cependant infaillible, et il semble que la force qui soutenait dans la lutte, s'usant d'une manière peu sensible, nous abandonne précisément au moment où nous touchons au port. Le repos que nous appelions de nos vœux est enfin accordé. Nous nous préparions à en jouir, mais il est venu tardivement, et la joie qui nous a rendus ne peut plus réparer les blessures causées par l'attente et le combat. La comtesse de Bruce mourut en 1745, 4 ans seulement après son retour dans le monde. Sentant sa fin approcher, elle ordonna à ses femmes d'apporter ses robes et autres effets, et les fit brûler devant elle, afin que personne ne pût porter après sa mort rien de ce qui lui avait appartenu. Ainsi, l'orgueil, ce trait distinctif de sa race, fut le dernier sentiment qui survécut en elle. Il la dominait encore à l'heure suprême où les inégalités de la terre, où toutes ces distinctions futiles auxquelles nous attachons tant de prix, s'évanouissent et laissent l'âme seule en présence de l'éternité. Ainsi s'achève Deux fiancées impériales de Paul Thorat.